Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Chouette, voici les nouveaux programmes d'histoire de lycée avec la cohorte de manuels qui les accompagne. D'ailleurs, l'enseignant s'interroge à chaque réforme quel livre choisir pour ses élèves. Eh bien, jetons un œil sur ce qu'en dit la presse. Je vous lis. Les anciennes compilations historiques ne répondaient pas aux besoins du nouvel enseignement. Les unes parce qu'elles disaient trop, les autres parce qu'elles ne disaient pas assez. Entre les volumineuses collections et les abrégés superficiels, il fallait trouver un juste milieu. Il fallait surtout être soi et s'approprier la science si l'on voulait la transmettre. C'est ce que firent les professeurs d'histoire. Ils remontèrent aux sources, firent la critique des ouvrages modernes et à force de travail et de patience, rédigèrent eux-mêmes leurs cours. Nous étions il y a 190 ans, le 19 novembre 1829, quand le lycée, journal général d'instruction, s'intéressait au nouvel enseignement d'histoire, déjà. Durant toute cette semaine, le cours de l'histoire s'était intéressé aux civilisations perdues, des Étrusques aux Lacustres, en passant par les Phéniciens et au pillage nazi. Tout ça, c'est à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou à podcaster. Mais aujourd'hui, c'est vendredi, journée d'actualité, et l'actualité, c'est la rentrée et les nouveaux programmes d'histoire. Pour nous en parler ce matin, Christine Guimonet, secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Bonjour. Bonjour. Et Rémi Pavin, agrégé et docteur en histoire contemporaine, professeur d'histoire-géographie au lycée et auteur d'une histoire du bonheur en France chez Robert Laffont en 2013. Le bonheur d'enseigner sans doute. Rémi Pavin, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous recevons Anaïs Quien avec sous le bras son journal de l'histoire. Anaïs Quien qui prépare cette émission, qui en fait notamment la programmation. Anaïs, bonjour. Bonjour Xavier. Qu'y a-t-il dans le journal de l'histoire ce matin? Alors aujourd'hui on parlera nom d'oiseaux, insultes de part et d'autre de la Manche dans nos parlements anglais et français. Formidable, puisque nous aurons parlé également de De Gaulle. De De Gaulle avec une biographie incroyable de Julia Jackson qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Julia Jackson. Bonjour. Mais pour le moment, nous allons tous prendre nos petits cartables, remplir notre trousse avec des outils tout neufs, puisque c'est la rentrée des classes. La rentrée des classes, autre événement de l'automne, donne beaucoup moins de soucis aux enfants qu'à la maman aux prises avec le budget familial. Il n'est pas désagréable pour le jeune potache d'essayer la casquette neuve et le chandail neuf qui font partie de la panoplie du parfait écolier. La tournée des magasins à la veille de la rentrée, c'est un peu la tournée des étrennes. La règle qui fait elle-même les multiplications. Les couvertures des cahiers qui sont des œuvres d'art. Et sinon le petit Larousse de papa, source de toute science et de toute orthographe, du moins celui des enfants. Comment, ainsi équipé, ne pas partir à l'école le cœur léger? Et puis, les compagnons de jeu ne manqueront pas. Et puis, maman, elle aussi, a droit enfin à quelques vacances. Une archive de 1956, un tantinet daté, dites donc, quand on entend ça. Mon Dieu, nous avons changé d'époque et ce n'est pas plus mal sur certains points. Alors, Christine Guimonet, Rémi Pavin, nous allons parler des programmes, des nouveaux programmes d'histoire au lycée. Mais je pense qu'avant toute chose, pour que l'on comprenne ce que sont ces programmes, il faut dire ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, reprenons le cours du lycée en seconde. Qu'étudie-t-on en seconde désormais au lycée, Christine Guimonet? En fait, l'histoire des programmes, c'est un mélange de rupture et de continuité depuis des décennies. Donc en seconde, on va travailler sur de l'histoire ancienne et de l'histoire médiévale, comme l'année dernière, mais trop peu à notre goût, parce que c'est quand même important de retourner à des sources anciennes qui permettent à des élèves de se décentrer un petit peu et de comprendre que la contemporaine, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, même si ça a son intérêt. Quand je demande en fait qu'est-ce qu'on va enseigner, je sens déjà que vous glissez quelques petites critiques. Bon, alors donc, histoire ancienne, histoire médiévale, et on va jusqu'où en seconde? Alors, on va aller jusqu'à la veille de la Révolution française, et la première grande rupture, en fait, c'est ça, c'est que la Révolution va basculer en classe de première avec tout le début du 19e siècle, Et à notre sens, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous donne davantage de temps pour la traiter et pour des élèves, c'est bien. C'est intéressant de se dire que voilà, la révolution, là, c'est la vraie rupture, n'est plus enseignée en seconde, elle est désormais enseignée en première. Donc la classe de première va de la Révolution française et vous avez dit... Jusqu'à à peu près 1920. 1920. Voilà, ce qu'on va appeler les sorties de guerre. D'accord. Et donc, on comprend qu'en terminale, c'est la suite. Voilà, en terminale, on revient à quelque chose qui est très contemporain, mais assez inspiré d'un programme qu'on avait avant celui de la réforme Châtel. Et c'est vrai que le programme de première nous semble peut-être plus formateur et plus intéressant que celui de terminale. Mais bon, ça, c'est un débat sans fin. Un programme idéal qui convient à tout le monde, ça, c'est difficile de le trouver. Alors, les programmes scolaires, par définition, sont une construction logique parce qu'on imagine des gens extrêmement sérieux qui se sont penchés sur cette question, puis qu'il y a eu des concertations. Donc, c'est une construction logique. Évidemment, Rémi Pavin, pour vous, elle est logique, cette construction. Également. Logique, je ne sais pas. Les programmes scolaires sont souvent le résultat, d'un rapport de force entre diverses institutions, à la fois des scientifiques, du politique. Le programme d'histoire, en France, c'est quelque chose qui aussi intéresse la société. On commente assez peu, il y a guère de scandales autour des nouveaux programmes de maths ou de sciences physiques, tandis qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau programme d'histoire, il y a des débats sociaux assez impressionnants. Et là... Je trouve que effectivement on revient, là je suis assez d'accord avec vous, on revient à un programme très chronologique, saucissonné un petit peu en différentes tranches. Et je ne sais pas si la logique est parfaite. Et voilà, c'est en tout cas la chronologie que l'on retient dans ces programmes 2019. Vous aussi, Christine Guimonet, vous avez repéré que cette chronologie reprend sa place, et même si l'on peut dire qu'elle n'a en réalité jamais vraiment disparu. Non, je pense que ça c'est un faux débat, parce qu'en fait les programmes ont toujours été chronologiques. Ce qui peut parfois dérouter certains élèves, c'est du chronothématique, comme par exemple lorsque dans l'ancien programme de première, les totalitarismes se retrouvaient après les deux guerres mondiales qui devaient être traitées avec un prisme particulier, et ça pouvait empêcher certains élèves de faire des liens. Donc parfois il faut déconstruire pour que les élèves puissent s'approprier les savoirs le mieux possible. Rémi Pavin, sur cet aspect de la chronologie, vous la retrouvez ici, chrono, thématique ou pas thématique. Quelle est l'approche en fait que font ces nouveaux programmes de la chronologie ? Les nouveaux programmes là sont purement chronologiques, effectivement, je suis d'accord avec vous. Dans les derniers programmes, il y a eu des débats sur soi-disant qu'on oubliait la chronologie. En fait, la présentation est toujours chronologique. Je crois que le professeur d'histoire de toute façon est très attaché à une progression chronologique et à montrer finalement l'évolution dans le temps, mais là finalement chaque morceau est découpé en tranches, par exemple d'une dizaine d'années pour celui de terminale. Donc on a les années 70, puis on tourne les années 80, puis les années 90. C'est presque un petit peu caricatural, et je pense que les découpages thématiques avaient plus d'ampleur et permettaient de mieux comprendre et penser le monde. Et moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'enseigne, c'est que mes élèves puissent découvrir. Il y a finalement deux goûts pour l'histoire. Il y a comprendre le présent et puis une curiosité pour l'autre, pour l'altérité. Et là, je trouve un petit peu regrettable ce recul. Par exemple, là, dans les programmes de terminale, avant, il y avait des ouvertures culturelles importantes, alors qu'il y avait effectivement suscité des questions de la part des professeurs sur l'Allemagne, le socialisme en Allemagne, le prof chez Moyen-Orient. Mais en même temps, c'était extrêmement stimulant. Et là, je trouve qu'il y a un recul assez net. Le recul, vous le constatez aussi, vous, Christine Guionnet. Pour le programme de terminale, c'est vrai que l'approche est pas vraiment la même. Et en fait, tout nouveau programme est l'objet de critiques, le temps qu'on se les approprie. Il y a une période aussi où l'ancien qu'on critiquait va être subitement paré de toutes les vertus. Donc moi, je pense que le programme, c'est aussi ce qu'on va en faire. Ce que le professeur va en faire, et dans un programme, il y a l'esprit, la lettre, et qu'on a toujours la possibilité de prendre des chemins de traverse. L'objectif, c'est de faire de nos élèves pas forcément des apprentis-chercheurs, ni des découvreurs de tout, mais des esprits qui soient libres de penser par eux-mêmes, qui soient émancipés, qui puissent utiliser avoir une pensée critique. Et pour ça, il faut à la fois de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, et puis aussi de l'histoire politique. Christine Guimonet, vous venez de dire que les programmes sont toujours critiqués systématiquement. La preuve. Discutablement, c'est une mobilisation générale. Les parents, les historiens, les syndicats d'enseignants, les hommes politiques, de Michel Debré à Jean-Pierre Chevènement, manifestent leur hostilité à l'enseignement de l'histoire, modifiée par la réforme Habi. Lucien Genet, responsable des nouveaux programmes, réplique qu'il n'est pas question d'oublier l'histoire de France, mais de l'intégrer dans celle du monde. Il a donc fallu choisir les temps forts de l'histoire. Et ces séquences n'ont pas été choisies au hasard, ni pour je sais quel dessin politique qu'on nous attribue bêtement. Et elles ont été choisies, ces séquences, en allant du plus simple au plus difficile, de la sixième à la troisième. Je ne reconnais qu'une critique, si vous voulez, à l'égard de ces programmes. Il faut qu'ils soient assurés par des professeurs remarquables. Mais grâce à Dieu, nous avons beaucoup de professeurs excellents. Oh, grâce à Dieu et grâce à l'université aussi, surtout grâce à l'université. Nous étions en 1980, c'était un journal télévisé de la deuxième chaîne. Des professeurs remarquables, c'est surtout ce qu'il faut noter. Christine Guimonet, ces professeurs peuvent faire ce qu'ils veulent du programme en réalité. Il faut souligner cet aspect-là, il faut suivre le programme, il y a encore une liberté. Oui, et heureusement. La règle de base, c'est le BO. Simplement ce qui est écrit dans le BO. Et les anciens programmes avaient des entrées qui étaient beaucoup plus fléchées, beaucoup plus normatives. Mais au-delà du bulletin officiel, sur lequel on s'appuie, vous avez quand même ces pistes vers lesquelles vous pouvez aller avec ces nouveaux programmes. Quand il est écrit dans le programme « on peut », ça ne doit pas forcément dire « on doit ». Ce qu'on appelle les points de passage ou d'ouverture, qui sont une nouveauté, il faut quand même savoir que le professeur a la liberté de les traiter comme il le veut, d'y consacrer le temps qu'il veut. Ça peut passer par un exposé que vont faire les élèves, du travail de recherche. Et en fait, ce qui nous importe aussi, c'est qu'on comprenne bien que nous, on est très attachés à un temps pédagogique. Et le temps pédagogique, il est très déconnecté du temps politique et du temps médiatique. Et on a besoin, avec nos élèves, d'avoir du temps pour travailler, pour qu'ils s'approprient les savoirs, pour qu'ils puissent vraiment réfléchir, penser, chercher, comprendre ce que c'est que des sources, des archives. En discutant avec beaucoup de collègues, on s'est rendu compte que beaucoup d'élèves n'étaient jamais aussi contents que lorsqu'on leur apportait des vraies archives, ou quand on les emmenait dans les institutions culturelles, politiques, dans les musées. Et on a aussi besoin de ce temps, parce que ce qui est important pour beaucoup de nos gamins, c'est de participer à la démocratisation de la culture. C'est vrai que le programme scolaire a une visée politique quand il s'agit de l'histoire. Enfin, c'est quelque chose qui est évident. Rémi Pavin, vous l'avez dit, il y a rarement des hurlements autour des programmes de mathématiques. Sur ces nouveaux programmes 2019, est-ce que vous arrivez à lire une construction politique soit évidente, soit cachée? Oui. Je voudrais d'abord revenir sur ce que ma collègue disait. Revenez. Sur cette question de la largeur des programmes et de la liberté pédagogique. C'est vrai que l'enseignant, il a une liberté pédagogique, mais il est pris dans une sorte d'injonction contradictoire, avec d'un côté la liberté pédagogique et le souci de former des élèves à la réflexion, à la compréhension, au regard critique, qui sont des choses qui sont pour moi et dans ma pratique essentielles, et de l'autre côté la largeur des programmes. Parce que ces programmes où on nous demande effectivement, par exemple pour la seconde, de traiter en 10 heures le monde antique et le monde médiéval, ce qui fait 5 heures pour les deux, où on doit à la fois parler d'Athènes, de Rome, et Rome depuis Auguste jusqu'à Constantin, et ça c'est des choses qui sont obligatoires, alors quel que soit le temps qu'on puisse, c'est des choses qu'éventuellement les élèves ne connaissent pas, sur lesquelles, pour pouvoir donner et transmettre quelque chose, il faut passer du temps, et donc il y a d'un côté cette liberté pédagogique, et de l'autre côté cette impossibilité et de faire les programmes. Et du coup, ça va contraindre les enseignants, parce que le BO, il est assez lourd en termes de contenu, même très lourd en termes de contenu, et du coup ça oblige les enseignants à survoler, et ça fait une sorte un peu, si je peux me permettre, d'histoire triviale poursuite, ou d'histoire question pour un champion, où il ne va rester que quelques dates, et voilà, du coup une histoire très événementielle, très politique, et je doute que les enseignants aient la latitude et le temps pour s'intéresser à des questionnements historiographiques plus contemporains. Voilà, effectivement, l'histoire des femmes disparaît largement. Et donc, ça, je trouve que c'est quand même assez regrettable. Et d'autant plus regrettable qu'on est, paraît-il, dans une école de la confiance. Et là, je trouve qu'on ne fait pas confiance ni aux enseignants, ni aux élèves. Finalement, le contenu, la manière dont sont construits les programmes manque cruellement, je trouve, de problématisation et de confiance accordée aux enseignants et aux élèves. Avec toujours cette question du savoir factuel, de la chronologie et puis de la réflexion, une question qui date. Si l'on en croit un sondage réalisé pour le ministère de l'Éducation nationale, 36% seulement des élèves interrogés entre la sixième et la seconde connaissent le début de la Révolution française. Logique, ils sont 25% à penser que Napoléon II était le souverain du Second Empire, qu'il avait comme ministre Richelieu et qu'à cette époque vivaient et Mozart et Picasso. Conséquence de la réforme de 1969, les jeunes Français sont brouillés avec la chronologie. Dans le primaire, l'histoire n'est pratiquement plus enseignée. Dans le technique, on consacre une heure par semaine seulement à l'histoire, la géo et l'instruction civique. Dans les lycées, les programmes sont mal construits. Par exemple, en quatrième, on passe de la Renaissance à la guerre de 14. De plus, les enseignants se plaignent de n'être pas suffisamment formés. Il y a des critiques, nous étions en 1983, mais Rémi Pavin, le choix de mettre en place la chronologie et peut-être d'enlever une forme de thématique donc qui permet plus une réflexion, ça aussi c'est un choix politique, très clair. C'est clairement un choix politique, effectivement, qui a été, je pense, dessiné de manière un petit peu verticale. Je pense que sur le plan politique, hein, quand on lit les programmes et... Quand on lit éventuellement la génétique des programmes, me paraît assez intéressante. Il y a des chercheurs qui ont publié un article justement qui analyse la génétique des programmes, notamment celui de Terminal. C'est-à-dire quoi, c'est la génétique des programmes? La génétique des programmes, c'est-à-dire finalement l'évolution, une sorte d'histoire précise des programmes. Comment sont-ils conçus? C'est assez opaque. On a eu une consultation au printemps, dont on a pas connu les résultats, si ce n'est quand on peut voir l'évolution des différentes moutures. Et par exemple, dans le programme de Terminal, dans la première mouture, il y avait les femmes dans la résistance. Ça a été un certain nombre de choses, une étude sur Margaret Thatcher qui disparaît au profit d'une étude sur, à la fois croisée sur Deng Xiaoping et Reagan. On met beaucoup plus d'études biographiques, c'est le retour en force de la biographie. Et je pense que ce programme, dans une certaine mesure, vise à... est assez libéral. Par exemple, si je prends spécialité, dans le thème sur la démocratie, on doit s'intéresser à Benjamin Constant. Clairement, on voit là le modèle qui est proposé, et il y a assez peu de contre-modèles. Pourquoi Benjamin Constant? Benjamin Constant, la liberté des anciens, liberté des modernes. Donc en gros, la démocratie, c'est la représentation. Donc on a des professionnels de la politique qui s'occupent de la politique, et puis le peuple, lui, de son côté, délègue de temps en temps, au moment des élections, le pouvoir à ses représentants. Et dans un contexte, par exemple, de crise de la démocratie, de revendication de plus de démocratie directe, je trouve ça un petit peu regrettable qu'on ne mette pas le pendant. Et le pendant éventuel qui existe, c'est Athènes. Mais Athènes, dans le titre du programme, c'est une démocratie directe, mais limitée. Donc, explicitement dans le BO, il s'agit là, pour le professeur, d'orienter un petit peu son cours pour montrer que c'est une démocratie limitée. Sous-entendu, c'est impossible. Christine Guimonet, vous entendez ce que vient de dire Rémi Pavin autour de ces programmes, mais vous avez constaté aussi qu'il y a de la révolution, quand même. Ah oui. En fait, pour la chrono, il ne faut pas en faire quelque chose qui soit une fétichisation. La chronologie, ce n'est pas apprendre des dates d'une manière bébête, hein, c'est simplement pour savoir se repérer et ne pas faire de confusion. Pour la spécialité, effectivement, la réflexion sur la démocratie, elle est fondamentale. Et quand on a travaillé pendant le premier cours, j'en ai discuté avec des collègues aussi. Les élèves m'ont réfléchi sur ce que c'était que la démocratie directe. On a essayé de chercher des exemples et puis ils en ont trouvé, et pour montrer qu'effectivement, il y avait des possibilités et que des possibilités n'étaient pas forcément toujours appliquées, mais qu'il fallait y penser. Et ce qui est intéressant dans le programme de première, c'est que on a un retour à un vrai 19e siècle. Un vrai 19e siècle, parce que c'est un laboratoire multiple, c'est une effervescence politique, culturelle, sociale. C'est compliqué de former des citoyens émancipés, critiques, éclairés, quand ils n'ont pas de culture politique. Alors, on est très attaché à l'histoire sociale, l'histoire des femmes. C'est une thématique qu'on a martelée lors de toutes les rencontres qu'on a pu avoir avec le CSP et au ministère, parce que c'est fondamental, ça doit irriguer l'ensemble des programmes. Donc, on doit se donner la liberté de mettre de l'histoire des femmes et de l'histoire du peuple là où on pense qu'elle ne se trouve pas. Et je pense que tous nos collègues auront à cœur de faire ça, je l'espère. Et le 19e, c'est un siècle de révolution. Donc on a 1789, 1830, 1848. La commune, qu'avant on n'avait pas stricto sensu dans les programmes. Donc on a Louise Michel, cette extraordinaire pétroleuse. Donc c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Et quand il y a de l'histoire politique, il faut jamais perdre de vue qu'on a l'histoire du peuple derrière. C'est le peuple qui fait les révolutions en descendant dans la rue. C'est pas uniquement des grands personnages. Puis il y a cet aspect intéressant du retour du Second Empire de Napoléon III dans les programmes. Le premier président de la République élu au suffrage universel masculin qui fait un coup d'État et qui reste au pouvoir mérite d'être étudié pour réfléchir à notre propre démocratie aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui parmi nous, et c'est une chance, Julianne Jackson. Je me tourne vers vous et je ne vais pas vous demander votre avis sur les programmes des lycées en France en 2019. Mais je vais juste vous dire que toutes ces questions sont débattues chez nous. Eh bien voilà. J'enseigne pas dans dans des universités, mais je connais tous ces problèmes de chronologie, thématique, le contenu en fait, c'est très actuel. Et est-ce que vous avez aussi, parce que c'était bien d'en dire quelques mots, des élèves qui sont dans des séries technologiques et professionnelles, qui représentent une part très importante des lycéens, dont peu de gens se préoccupent et qui ont un temps d'histoire qui est relativement réduit, alors qu'on leur demande de faire beaucoup de choses. Ce sont les élèves les moins outillés et pour nous, c'est une problématique qui est fondamentale. C'est vrai que c'est un aspect à évoquer, hein, ces lycées technologiques, ces lycées professionnels, mais c'est intéressant là, de voir que donc, chez vous, en Angleterre, vous êtes à l'université à Queen's Mary à Londres, mais bon, vous voyez ce qui se passe dans votre pays et sur tous ces débats autour de l'enseignement de l'histoire. J'entends qu'il y a cette question de la chronologie, normal. Nous avons en France une histoire marquée par des révolutions. Nous avons eu plusieurs rois après la Révolution française, nous avons eu plusieurs empereurs après la Révolution française. Tout ça s'est terminé. Vous, vous avez tout conservé. Vous n'avez pas tant de révolutions de ça dans votre histoire. On a décapité un roi quand même. Ouais, c'est pas mal. Nous aussi. Nous étions le premier à faire. C'est vrai, c'est vous qui avez gagné. Et dans cette lecture globale de ce qu'est l'histoire et de ce que l'histoire peut dire du présent, est-ce que vous retrouvez ces débats autour de la question de l'enseignement chez vous au Royaume-Uni? Oui, parce que je prends l'exemple, par exemple, le ministre qui est responsable actuellement pour le Brexit, qui était avant le ministre de l'Éducation, avait sa mission avant était de reconcentrer l'histoire enseignée dans les écoles sur notre histoire et pas sur les histoires des autres pays, si vous voulez. Il a dit, on étudie trop les nazis et trop Mussolini, trop les lunes soviétiques et pas assez notre propre histoire. Donc il voulait revenir à ce que vous appelez en France un roman national. Et justement, la place de ce roman national dans les nouveaux programmes de lycée en 2019, c'est une question qu'on entend souvent, roman national. Rémi Pavin, est-ce que, vous qui êtes vigilant autour de ces questions-là, est-ce que vous le trouvez, le roman national? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus neutre sinon? Ben non, le roman national est très présent, au contraire, à la fois dans les programmes d'histoire et également presque dans celui de géographie. Je suis assez d'accord avec vous, l'intérêt de ce nouveau programme, c'est la première et le retour du 19e siècle qui était le grand oublié du programme précédent. Oui, et ça, en ce sens, les révolutions... Il y a plein de nouveautés historiographiques. 48, les nouveautés historiographiques quand même, l'historiographie atlantiste en seconde, le côté événementiel et les batailles de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est vraiment à la pointe de l'historiographie. On trouve assez peu d'histoire globale, assez peu d'histoire connectée, par exemple. Quant à l'histoire des mémoires, elle disparaît. Donc, sur le caractère en pointe de l'historiographie du programme, j'émettrai quelques doutes. Cependant, effectivement, sur la question du roman national, il est évidemment très présent avec la Révolution française, le passage sur le chapitre sur la Troisième République, donc la mise en place de la Troisième République, l'école, les crises, finalement la République qui s'en sort après Dreyfus, etc. On est quand même bien dans le roman national et l'idée, la finalité citoyenne du programme est quand même très importante, je pense, dans cette nouvelle mouture. Mais comme souvent d'ailleurs. Comme souvent, mais j'ai presque envie de dire, Rémi Pavin, c'est le but. C'est l'un des buts, effectivement, c'est de former des citoyens. Après, est-ce qu'on est obligé, pour former des citoyens qui pensent par eux-mêmes, d'essayer de leur inculquer presque un roman national? Finalement, on peut penser et créer du lien, je pense, d'une autre manière qu'avec un roman national qui écarte et met à l'écart des pans entiers de la population, gomme un certain nombre de choses, la question des inégalités, l'histoire sociale est quand même assez peu présente. L'histoire des mouvements sociaux notamment, et ça on pourra le regretter. Le cadre de ces nouveaux programmes ne vous permet pas de le faire, par exemple, vous en tant qu'enseignant, ou vous pensez que vous allez quand même réussir à le faire? Parce qu'il y a ça, il y a un cadre qui donne une ligne directrice, mais il y a une liberté aussi d'enseignement, vous allez pouvoir le faire. Bien sûr, c'est ce qu'on va essayer de faire en classe, hein. Il y a toujours un écart, vous savez, quand on s'intéresse, il y a toute une branche de la didactique qui s'intéresse à la sociologie du curriculum, c'est-à-dire à la fois comment le savoir scientifique est transformé en programme, ce qu'on appelle l'histoire scolaire, ensuite comment les programmes, ce que fait le professeur à partir de ce prescrit pour préparer ses cours, et évidemment, on peut penser que les enseignants qui ont un regard critique dans l'ensemble vont arriver à produire un certain nombre de choses. Mais le problème, à nouveau, c'est cette injonction contradictoire avec d'un côté la lourdeur et de l'autre côté des élèves qui souvent ne savent pas grand-chose. Et compte tenu de la taille de ce qu'on demande d'enseigner, on est obligé d'aller très très vite. Et pour vraiment approfondir, en fait, il faudrait passer du temps sur chaque chose. Et je pense que les concepteurs de programmes devraient mieux prendre en compte le fait que l'enseignant est un professionnel, c'est-à-dire un expert, et lui donner une véritable liberté pédagogique avec un programme qui pourrait être peut-être plus indicatif. Et du coup, l'enseignant aurait la latitude de choisir, peut-être, je sais pas, imaginons, on dirait le 19e, on pourrait donner des pistes, produire des ressources pédagogiques éventuelles pour des enseignants qu'on aurait besoin. Et ensuite, les enseignants pourraient véritablement mener des projets approfondis permettant de former le citoyen, le regard critique, un côté un peu scientifique aussi, et du coup faire quelque chose de plus intéressant et de plus stimulant pour les élèves. Christine Guimonet, une réaction? C'est tout à fait intéressant parce que lors de nos différentes rencontres, on avait évoqué justement la possibilité que dans les programmes, il puisse y avoir une partie au choix de l'enseignant. C'est-à-dire l'enseignant choisirait. Donc ça reste un petit peu une arlésienne. Mais les injonctions contradictoires, c'est pas uniquement à propos de la lourdeur des programmes. Elles viennent aussi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on nous demande à la fois de traiter le programme et en même temps de faire un milliard d'autres choses. Alors que l'école, dans certains endroits, c'est le seul service public qui reste. Donc on a aussi des artisans, on fait de la dentelle fine, on travaille avec de l'humain, et on est aussi des acteurs sociaux. Et ça, je pense qu'on y est très attaché. Et on nous demande de penser toutes les plaies de la société, ce qu'on a du mal aussi à faire. Et bien sûr que la confiance, elle doit être importante. Et on va se saisir de tous les interstices possibles pour injecter, insérer tout ce qui nous semble important sociétalement dans ce que le BO dit. Dans le donc bulletin officiel de ces nouveaux programmes 2019, mais nous parlons de la série générale, ce sera aussi possible à faire pour les lycées professionnels ou encore les lycées techniques. Ils sont plus serrés, ces programmes-là. C'est plus compliqué, parce qu'on a des lycées qui sont aussi multiformes, hein, avec des lycées des métiers, où il y a du général, du professionnel et du technologique. Pour des élèves de série techno, ST2S, STMG, pour citer ces exemples-là, le programme est beaucoup trop lourd pour l'horaire qui est imparti. C'est très difficile de travailler. Et ce sont des élèves qui ont encore plus besoin de temps que les autres pour pouvoir s'approprier des connaissances. Donc, une de nos revendications principales, et on n'en démordra pas, c'est un allègement. Il vaut mieux avoir moins de questions pour eux, mais plus de temps à y consacrer. Revendication donc de l'association des professeurs d'histoire géo, hein, l'association que vous représentez. Et pour le LP, c'est la même chose. Lycée, on ne peut pas former des élèves qui sont capables de penser avec, pour la classe de seconde professionnelle, 1h30 de français et histoire géo par semaine. C'est une illusion. Oui, c'est court, effectivement. Mais enfin, on va vous dire, c'est mieux que rien. Vous voyez, c'est cette réponse qu'on va faire toujours. Et c'est le cadre du programme qui ouvre ou ferme, en fait, la possibilité de réflexion. Là, en l'occurrence, quand vous regardez le programme, vous vous dites, c'est trop court pour faire ce qu'on nous demande. Ah, nos collègues de pro sont assez mécontents, pour ne pas dire très mécontents. Dans la salle des profs, Rémi Pavin, quelle est la réaction des collègues d'histoire-géographie sur ces nouveaux programmes? C'est très variable. Moi, je prétends pas. Enfin, je représente pas les professeurs d'histoire-géographie. Non, c'est juste que vous avez entendu. En tout cas, dans mon établissement, effectivement, il y a certaines. On n'est pas vraiment très content. Et je crois que, pour finir, si je peux soulever un dernier point, le problème aussi de ces programmes, c'est qu'ils s'insèrent dans le cadre de la réforme du lycée, et c'est-à-dire de l'évaluation permanente. Donc par exemple, avant, aux premières, on avait totalement cette liberté pédagogique. Souvent, les profs faisaient 70% du programme qui était extrêmement lourd et du coup, ils pouvaient approfondir. Là, compte tenu du fait que, et en général, et en technologique, on doit évaluer, et le modèle des évaluations en deux parties avec une question de cours pousse en fait à faire, nous force à faire tout le programme. Du coup, ça va poser un gros problème parce que finalement, il y a aussi une autre injonction contradictoire entre d'un côté former les élèves et de l'autre côté les classer, les sélectionner, les évaluer. Et je pense que ça, on est assez vigilant, en tout cas dans les salles des profs, vis-à-vis justement de cette contrainte d'évaluation régulière via ce contrôle continu en première. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un rejet massif du programme, une certaine méfiance, mais comme il faut avoir une méfiance de tout, car nous sommes historiens. On a une vigilance lucide et critique. Voilà, vigilance lucide et critique. Donc, il faudra voir comment ces programmes se mettent en place. Et puis surtout, vous l'avez bien dit, Rémi Pavin, c'est par rapport à l'évaluation et à la réforme du bac que tout ça doit être mis en perspective. En tout cas, merci à vous deux, Christine Guimonet, donc de l'Association des professeurs d'histoire géographie, et puis vous, Rémi Pavin, également, pour votre approche de ces nouveaux programmes qui vont conditionner la vie des enseignants, des élèves et des parents encore pour quelques années. Webster, Room Temperature, la température de la pièce. C'est un titre de pile cette année. Vous êtes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission mise en onde par Thomas Jost, à la technique aujourd'hui Thibaut Nassinben. Et nous avons avec nous Julianne Jackson. Rebonjour à vous, mais vous avez déjà pris la parole. Oui, bonjour. Pour ceux qui arrivent en cours d'émission, vous êtes professeur d'histoire à l'université Queen Mary de Londres et spécialiste de l'histoire de France, mais surtout vous arrivez avec un ouvrage, De Gaulle, une certaine idée de la France au seuil, un ouvrage traduit, très bien traduit par Marianne de Berru, une très belle traduction. Vous l'avez lu en français, vous l'avez écrit en anglais Et... Oui, mais j'ai travaillé avec la traductrice et ça s'est très bien marché et je trouve en fait qu'elle a vraiment trouvé ce que je voulais dire en anglais et l'a retrouvé en français. Donc je trouve que c'est très réussi. La lecture est très fluide effectivement et c'est très agréable parce que l'histoire c'est bien, mais enfin l'histoire ça reste. Oui, non, ça doit être lisible. Et ça doit être lisible. Donc c'est le cas. Vous commencez votre ouvrage par une phrase, mais qui est une phrase que nous avons en tête sans nous la dire vraiment, mais on le sait bien. Dans la France d'aujourd'hui, De Gaulle est partout. C'est vrai, dans les mémoires sur les plaques des rues et au fronton des monuments, dans les librairies, et il l'est encore plus avec vous aujourd'hui, Julian Jackson. Il est partout. L'occasion d'écouter un petit module qu'a confectionné Thomas Jost. Thomas qui met en nom de cette émission. Peuple français, en avant! Votre légende commence à peine à prendre son vol. Et déjà l'ombre de ses ailes recouvre la France. Et vers elle, et vers vous, monte et montera chaque jour davantage la reconnaissance nationale. Après vous, ce sera la pagaille. Alors, quelques-uns suggèrent que l'on institue la pagaille tout de suite. Moi je dirais, le gaullisme c'est d'abord et avant tout la liberté et la dignité de l'homme. La liberté et la dignité d'une nation et le courage. Je vous ai compris. Le général de Gaulle n'a jamais reculé devant la nécessité de décider, quelles qu'aient pu en être les conséquences parfois douloureuses, parce qu'il savait qu'en repoussant la décision, les souffrances sont alors plus grandes, inéluctablement. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Il faisait bien son Brière. Ce soir, il y a de la lumière. Comme le disait le général de Gaulle, la politique, c'est se tenir droit et regarder en avant. Et aujourd'hui, je crois qu'on a une certaine droite a perdu cette tradition gaulliste. Et moi, je veux rassembler tous ceux qui veulent réussir le changement. Française, Française, aidez-moi. On gouverne en prenant les décisions tout de suite, par ordonnance, comme l'avait fait le général de Gaulle en 58, dès le lendemain de l'élection présidentielle. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. La France est un pays de race blanche, dans laquelle on accueille aussi des personnes étrangères, comme le disait le général de Gaulle. Un seul combat pour une seule patrie. J'ai cette opinion qu'avait le général de Gaulle, qu'avait M. Mitterrand, qu'a encore aujourd'hui M. Chevènement. Mais c'est le général de Gaulle tranquille, vraiment. La grande querelle sur la terre, c'est la querelle de l'homme. Je choisis comme le général de Gaulle, le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, et même le meilleur du centre. En pensant à ce qui arrivera quand de Gaulle aura disparu, je vous dis ceci, ce qui est à redouter après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci à Thomas Jost pour ce montage. Julian Jackson, ça vous amuse, ces Français qui parlent sans cesse du général de Gaulle? Oui, je ne sais pas où commencer avec après tout ce qu'on vient de... Incroyable, il y avait tous nos présidents de j'ai compris, mais quand j'entends par exemple le dirigeant du Front National, Marine Le Pen, c'est un mouvement dont les racines sont profondément anti-gaullistes, dont le fondateur a détesté, haï de Gaulle, etc. Ça montre à quel point cette obsession avec de Gaulle ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que c'est pas de Gaulle, on invente un personnage. Donc ça me désole un peu en fait quand j'entends tout ça. Mais ça m'amuse quand j'entends de Gaulle en fait. Et hier j'étais à une émission à la télévision et j'ai dit que de Gaulle avait beaucoup d'humour. Et on m'a dit bon, donnez-moi un exemple. Et soudain je pouvais pas. Et puis en fait le dernier extrait que vous avez montré en fait ce don de répartie qu'il avait. En fait, quelquefois. C'est vrai que c'était assez incroyable quand on revoit les conférences de presse du général de Gaulle, de comprendre qu'en une phrase, il marque les esprits. Et cette phrase, on la sent souvent spontanée. Hein. Il y a un esprit vif, mais c'est un peu l'esprit à la française d'une vieille France qu'il cultivait, oui. Mélangé. Sauf qu'en fait, les conférences de presse n'étaient pas très spontanées. Tout était réglé en avance. Il avait écrit pendant des semaines son texte. C'était pas des conférences de presse, c'était des conférences à la presse. C'est-à-dire qu'il savait exactement ce qu'il voulait dire. Et il y avait un dessin dans le Figaro qui était très amusant, où quelqu'un envoie de Gaulle qui demande à un journaliste, maintenant je vais répondre à une question que vous n'avez pas posée. Oui. C'est-à-dire tout était... Mais quelquefois, quand il avait les reparties, c'était très bien. Elles étaient écrites, c'est vrai, pour la plupart. On oui. le voit bien, mais quand il y a une question de journaliste et où il répond, rassurez-vous, je vais mourir. Autre, oui. Moi, ce qui m'intéresse, Julianne Jackson, avec votre démarche, c'est une biographie qui est une somme et on sent le travail qui a été fait, les sources et les lectures. C'est d'essayer de comprendre comment un historien en arrive à étudier. En 2019, le général de Gaulle, un historien qui vient d'un pays qui nous regarde depuis longtemps, et cette somme qui est assez incroyable, en fait, on a envie de se dire, on ne l'a pas en France. Nous ne l'avons pas parce que les biographies qu'il a pu avoir, et certaines biographies, celles de la couture notamment, ont toujours un lien un peu partisan, un rapport particulier avec le général de Gaulle. Oui, en fait, vous avez des très bonnes et très grandes biographies de Gaulle. Et je dis pas, j'ai eu la couture, c'était un livre très important, mais il faut dire que ça date maintenant, en fait. Et l'avantage de la couture, c'est qu'il pouvait interviewer beaucoup de gens qui sont maintenant morts. Et ça, c'est très important. Il y a, en fait, je pourrais citer beaucoup d'autres grandes biographies françaises de Gaulle. Mais ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, les archives, il y a des, je dis pas qu'il y a des grandes découvertes. Pour moi, l'important de ce livre, c'est de penser de Gaulle. Pas de dire que j'ai trouvé ça ou j'ai trouvé ça. Mais quand même, il y a maintenant les archives de la présidence de la République qui sont ouvertes depuis quelques années. J'ai pu profiter également aux archives nationales des archives de la France libre. Il y a des archives de Bray, qui étaient à Sciences Po, qui sont maintenant aux archives nationales, qui ont été très importants. Donc il y a beaucoup d'archives qui m'aident à nuancer, à épaisser l'histoire que je voulais raconter. Et puis il y a votre regard. Vous n'êtes pas français. Vous êtes né. Oui. Et ça joue. Je fais pas. Oui. C'est vrai en fait. Mais j'ai passé toute ma vie comme historien de la France. C'est-à-dire pour moi, il fallait un jour ou l'autre, commencer à faire quelque chose sur de Gaulle, parce qu'il est incontournable. J'ai commencé ma carrière avec le Front Populaire, les années 30, puis la défaite, puis l'occupation, puis 68, et de Gaulle est là dans toutes ces périodes. Et même si quelques historiens ont un certain scepticisme, on en a parlé tout à l'heure avec les programmes envers les biographies, moi je trouve que quand même, avec un personnage comme de Gaulle, on peut vraiment... Ça aide à comprendre l'histoire de ce pays au XXe siècle. Et c'est vrai, je ne fais pas partie... C'est-à-dire que j'ai un peu de décalage dans ma vision. J'ai essayé de montrer à quel point je ne suis pas ni pour ni contre. Et il y avait des gens qui ont fait des critiques dans mon livre, qui ont aimé en disant que j'étais contre De Gaulle, et des autres qui ont dit que j'étais trop pro De Gaulle. Et ça m'a plu, dans le sens où De Gaulle est insaisissable, et je voulais montrer à quel point il est difficile à savoir exactement qui il est. Donc je le mets devant vous, et vous, c'est à vous de choisir. Vous faites œuvre d'historien, c'est vrai que vous ne prenez pas parti, enfin vous faites votre travail d'historien, mais en travaillant sur une longue période, c'est quand même une vie entière, vous étudiez aussi ce qu'est l'histoire de France. La personnalité de De Gaulle est complexe, vous le dites souvent, complexe par des dépressions, une incapacité à exprimer ses émotions. Est-ce que la société française est à cette image-là? Est-ce que la société française est aussi complexe que ça, où elle exprime parfois très fort ses émotions, où elle se retient énormément, et que la meilleure manière de l'appréhender, c'est peut-être d'attaquer par un personnage, parce qu'au moins on a un angle? Oui, il est un produit de l'histoire de son pays. Et je veux, en fait, c'est vrai, ce qui est fascinant en De Gaulle, c'est à la fois, dans ses relations personnelles avec des gens, cette incapacité de se livrer, cette espèce de froideur, de distance, et également sa capacité de communication quand il parlait dans des discours, etc. Mais oui, il était, parce que le titre que j'ai pris pour mon livre, le sous-titre, c'est une certaine idée de la France. C'est une phrase que tout le monde connaît, qui vient c'est la première phrase des Mémoires de guerre où il dit, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Et en fait, ce que je voulais montrer en partie, c'est qu'en fait, il avait une certaine idée de la France, mais c'était pas toujours le même. Ça a évolué. Et donc, il évoluait parce que il réagissait en fonction du contexte des Français, de la situation. Donc, on ne peut pas figer De Gaulle dans une idée, en fait. Et c'est justement le pragmatisme, l'adaptabilité, la souplesse de De Gaulle qui est un peu contre notre idée reçue de ce personnage un peu raide qui dit toujours non. Mais en fait, il dit toujours non et après avoir dit non, il fait exactement la chose qu'il a dit qu'il n'allait pas faire. Et vous parlez de souplesse et non pas d'opportunisme, car c'est très différent. Effectivement, il saisit l'air du temps et il en profite. Vous constatez également que les Français ont sans cesse besoin d'un sauveur. C'est cette recherche perpétuelle du sauveur. Il y a un mythe qui est comme ça. De Gaulle s'inscrit réellement là-dedans. Et il s'y inscrit de plus en plus, en vérité, quand on regarde. Ça lui tombe un peu dessus en 1940, où il a ce génie de comprendre la situation et de faire un choix. Incroyable tout de même, quand on y réfléchit, c'est un choix incroyable, mais c'est ensuite qu'il construit ce mythe du sauveur. Oui, il a toujours été, dans sa jeunesse, en fait, avant de venir avant 40, il a beaucoup réfléchi à cette idée du chef, et c'est pas quelque chose de très à la mode de réfléchir au chef, mais il avait une très grande intelligence quand il y pensait. Pour lui, le chef, il était militaire à l'époque, mais il était un militaire très intellectuel, était quelqu'un qui avait à la fois le don de réflexion et d'intelligence et d'intuition. Et donc, il avait un peu écrit le scénario, son propre scénario, avant de le jouer, si vous voulez, après 40. Oui, mais il y a effectivement cette tradition. Il y a, bon, je ne sais pas, il y a Clemenceau, il y a et Pétain, il faut dire, les sauveurs. Et oui, De Gaulle a fait partie de cette tradition qui existe dans la culture politique française. Il en a profité. Julianne Jackson, vous dites que le piège, c'est de se laisser avoir par le verbe de De Gaulle, qui est magnifique. Un biographe obligatoirement est proche de son personnage. Aujourd'hui, vous en êtes avec... dans quel rapport avec De Gaulle, cette affection, rejet, où vous arrivez complètement à garder la distance? Vraiment, c'est très difficile de savoir comment... on est quelquefois trop séduit, à la fois par sa verbe ou par ses... beaucoup d'historiens, et moi je suis comme eux, ont prêté beaucoup d'attention, par exemple, aux discussions qu'il avait avec Alain Perfit, qui était son ministre de l'Information, et Jacques Forcard, qu'il avait conseillé sur les affaires africaines. Il y a énormément de sources, et De Gaulle parle tout le temps, il parle. Et quelquefois, il y a un danger d'être pris dans le piège de l'éloquence de De Gaulle. Et j'essaie de quelquefois d'être critique envers ces sources. Mais j'avoue, quelquefois, peut-être je suis piégé, mais je suis au moins conscient du danger. C'est du déjà piège, énorme. C'est qui est déjà énorme. Un début. Julianne Jackson, De Gaulle, une certaine idée de la France, c'est au seuil et c'est à lire pour connaître De Gaulle et c'est à lire aussi pour comprendre une démarche d'un Anglais qui va visiter ce monument De Gaulle. Il est 9h53, c'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Anaïs, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Alors, nous allons parler insultes en politique. Exactement. Oui, alors ça tombe bien parce que Julianne Jackson est là, nous parlons de Gaulle et qui a un rapport compliqué avec son ami ennemi anglais. Alors, nous avons tous profité des visages éructants, des empoignades spectaculaires des parlementaires anglais cette semaine dans ce dossier à rebondissement qu'est le Brexit. Insultes, trahisons, retournements fratricides, tout y passe pour continuer à classer un dossier pourtant européen, c'est une prouesse, parmi les actualités les plus palpitantes du moment, et le spectacle du déchaînement des passions parlementaires y fait beaucoup. Les coups d'éclat comme la défection du conservateur Philippe Ly qui a mécaniquement fait perdre sa majorité au Premier ministre se sont accompagnés de volées d'insultes d'un côté et de l'autre de la Chambre des communes. On pourrait croire que l'importance de l'enjeu déchaîne particulièrement les émotions politiques et délie les langues courtoises du comté-soit parlementaire britannique. On aurait raison et tort. Depuis la victoire des partisans du Brexit lors du référendum de 2016, les échanges sont intenses. Un petit extrait pour se faire l'oreille. And with innovative ways of using our hard-won credibility, which we wouldn't have if we listened to the muttering idiot sitting opposite me. Minister who's so overexcited he might suffer a relapse, and I'm a compassionate chap. I don't want that to happen. But the Prime Minister will please withdraw the word idiot. It's unparliamentary. A simple withdrawal will suffice. We're grateful. Mais dis donc, ce serait un tantinet le bazar à la Chambre On des adore. Communes. Ça, c'est le speaker de la Chambre des communes, hein, c'est Jeanne Bercot, qui demande alors, au milieu du chahut, de retirer le mot idiot du discours qu'un parlementaire vient de prononcer, c'est ça? Exactement. Mais ça n'est pas nouveau, les débats du Parlement anglais sont tapageurs, mais cette fois, nous les regardons. Ça change tout, parce que c'est une part de notre histoire commune qui s'y écrit. Et pour éclairer l'histoire de cette violence verbale, Anaïs, vous nous avez amené au 19e siècle. L'historien Thomas Boucher a engagé une recherche qui court sur plusieurs livres sur l'histoire sonore du Parlement français. Retournons de l'autre côté de la Manche. Notamment pour comprendre l'usage de cette violence verbale qui s'y pratique dans un essai intitulé « Nom d'oiseau, l'insulte en politique de la Restauration à nos jours ». Scatologique, physique, politique, les mots doux s'échangent au milieu des claquements de pupitres, des clameurs partisanes et des effets de manche. Mais ce sont nos yeux braqués sur ces débats qui conditionnent la force de l'insulte au sein même de l'Assemblée. Quand ce qui pourrait n'être qu'une anecdote typique des passions politiques franchit les portes du Parlement et devient accessible à la presse et au public. Avec la loi sur la liberté de la presse en 1881, les assemblées deviennent donc un théâtre de la nation pour transmettre la vigueur de la défense de l'intérêt des électeurs par les élus. En 1898, au cours de l'affaire Dreyfus, l'emportement du comte de Berry le pousse à frapper Jean Jaurès à la nuque, une bagarre généralisée éclate au pied de la tribune. Cette brutalité habite aussi les nombreuses manifestations de rue qui accompagnent cette affaire Dreyfus, où les coups de poing sont monnaie courante. Oui, et puis dans l'insulte en politique, effectivement, on sait qu'il y a un auteur qui a détruit un régime, c'est Victor Hugo, et son petit, Napoléon le Petit. Oui. Il a mis un certain temps à détruire ce régime qui a largement contribué à son autodestruction, Xavier. En témoigne l'acharnement donc de Victor Hugo à souligner, répéter, ressasser toute sa vie, y compris après la mort de sa cible, la petitesse morale avant tout de Napoléon III, avant et après son coup d'état de 1852. Pour Thomas Boucher, l'insulte peut lier les forces en présence, en témoigne cette relation presque intime entre Victor Hugo et Napoléon III. Si l'insulte est à l'époque d'abord une attaque à la morale, à la vertu patriotique, à l'honneur de celui qui en est la cible, échanger des noms d'oiseaux peut se conclure par la mort, puisqu'avec l'insulte vient le duel, devenu plus rare au XXe siècle et on s'en félicite. Aujourd'hui, difficile d'imaginer qu'accuser son adversaire politique de mensonge ou de lâcheté vous mène en plein champ, épée au poing. Paradoxalement, c'est peut-être la fin d'une très riche histoire de l'insulte en politique. Merci beaucoup Anaïs Quien, il va y avoir plein de merci parce que je veux remercier Julia Jackson d'être venue nous voir pour parler de Gaulle, une certaine idée de la France. Et merci aussi à Marion Dupont, Toscane Viudès et Camille André qui ont préparé cette émission. Cette semaine, le cours de l'histoire a été consacré aux civilisations perdues. Ben, tout ça peut être réécouté sur le site franceculture.fr ou podcasté. La semaine prochaine, nous parlerons environnement, mais environnement sur le temps long, des Carolingiens aux sociétés industrielles. Il y a beaucoup à nous dire. Qu'avons-nous fait de notre monde ?